Maintenant je te dis d'entrer, moi je viens juste pour manger. Allez tous vous ranger, vous pouvez tous parler, vous pouvez tous critiquer, vous pouvez tous. Ah, je suis pas les petits lus qui me ralettent, n'est pas en orné. Allez vous faire soigner, vous êtes tous débordés. Vous parlez de crédibilité, vous êtes débordés. Mets du fort sur ta voix et même si je t'ai crié. Ceux qui parlent sur moi sont vraiment nuls à chier. Pas de voyous, t'as capté, maintenant c'est fini, ça veut le bénéfice de quartier. À moi on passe pas au quartier, t'éviterai le pire. Je veux pas qu'on m'incarcère. Les MC braquent leur vécu. J'irai n'importe comment, comme sur un rouleau de PQ. Pas de PQ ni de matricule. À moi on bim pas. J'suis pas ton putain de véhicule. Putain, moi j'en baisse plus d'un. J'repars qu'avec le butin. Maintenant j'vous dis, c'est fini. Dès à présent, c'est fini. Moi j'te le redis, c'est fini. Maintenant j'vous dis, c'est fini. Dès à présent, moi je te le redis, c'est fini. C'est fini, j'arrive et je vous finis. Maintenant c'est fini, ce qui ici ça liquide et décide. CBO, CB et oui, putain j'arrive et c'est clean. Mais c'est clean, les MC font les hits. Les rappeurs du jouent les kings, ils sont derniers sur les rings. Ils me serrent la main, ils puent tous du riz. S'il fallait que je vous le dise, et ben maintenant c'est dit. Moi j'arrive quand c'est fini, ils me portent tous les rings. J'lâche la Hamza Fiani, ils parlent les tapettes. Ils font les beaux, c'est ta bête. C'est pas une attaque, c'est un putain d'onze roquette. KAZ de ma L, AK et claquette mitraillette. C'est ta peine, il redem. Moi j'fais juste ma répète. Faut pas dire au trip, ça fait dans tes putains de tes oreilles. Même si j'suis grossier, moi je reste toujours le même. Maintenant c'est fini, t'as capté le thème. Maintenant c'est fini, t'as capté le thème. Maintenant j'vous dis, c'est fini. Dès à présent, c'est fini. Moi j'te le redis, c'est fini. Maintenant j'vous dis, c'est fini, dès à présent, c'est fini, moi je te le redis, c'est fini.